Pourquoi la mère de Camo l'a-t-elle soudain abandonné? Pourquoi Camo, qui ne craint rien ni personne, a-t-il tout à coup peur d'une simple bicyclette? Et d'ailleurs, qui est vraiment Camo? D'où vient ce nom étrange? Qui l'a porté avant lui? Toutes ces questions semblent n'avoir aucun rapport entre elles. Pourtant, si l'on ne peut y répondre, Camo mourra. Le drame. C'est Pop qui fut à l'origine du drame, comme on dit dans les journaux. Ou plutôt, Pop, mon père, se reprocha longtemps sa responsabilité dans ce qui suivit. Moi, je pense qu'il n'y était pour rien. Et si je devais désigner un responsable, je dirais que c'est l'histoire. Oui, l'histoire avec un grand H. Celle que nous enseignent les profs, celle qu'on trouve dans les livres, celle qui se dépose goutte à goutte et nous fait une mémoire beaucoup plus vieille que nous. L'histoire que nous bâtissons aussi, nous autres, tous les jours, sans en avoir l'air, et qui s'appelle la vie avant de devenir l'histoire. Nous étions sur le départ. La voiture était chargée. Une voiture familiale avec un coffre qui aurait pu contenir un bœuf. Toutes nos valises et tous nos sacs y tenaient largement. Pourtant, Pop avait vissé une galerie sur le toit. J'ai demandé pourquoi cette galerie, et Pop s'est frappé le front avec l'air de celui qui se souvient tout à coup. « Bon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié !» Puis il a crié. « Camo, apporte donc les vélos, s'il te plaît !»« Les vélos ?» a demandé Camo. « Eh bien, oui, le tien et celui de ton copain !» C'est ainsi que Pop donna la bicyclette tchécoslovaque à mon ami Camo. Probablement un vrai sacrifice pour Pop, car c'était la bicyclette de son père, la bécane héroïque, celle qui avait fait la résistance, une relique familiale. Quant à Camo, il ne savait pas trop comment remercier, mais son regard parlait pour lui. Plus tard, je sus que Moon, ma mère, n'avait pas été d'accord pour rapatrier les vélos à Paris. « Trop dangereux, disait-elle. » Mais Pop l'avait convaincue. « Le petit est prudent et Camo est habile. » Ce fut surtout l'argument du plaisir qui fit reculer Moon. « Ça leur fera tellement plaisir. » Le fait est que rien ne pouvait nous réjouir davantage. Rapporter nos vélos à Paris, c'était prolonger nos vacances, les éterniser même. « On pourra aller au collège avec ?»« Non, c'est pour tourner en rond dans l'appartement. » Le succès de Camo au collège avec sa bécane tchécoslovaque, même les plus frimeurs qui roulaient sur des petits cubes japonais en bavaient d'envie. Tous ceux qui faisaient dans le tout beau tout neuf, les obsédés du dernier modèle, tournaient autour de la bécane historique, les yeux grands comme ça. Qu'est-ce que c'est comme marque? Une tchèque d'avant-guerre, répondait le grand lantier qui en connaissait un rayon côté bécane. Et ce trou là, dans le cadre, c'est quoi? Les Allemands, une embuscade, lâchait négligemment Camo. Tu crois qu'on trouve encore des pièces détachées? Essaie un peu de détacher une pièce pour voir. Comme si la bécane n'avait pas été assez lourde, Camo y adjoint deux énormes sacoches de postier. Des sacoches de cuir aussi anciennes qu'elles et qu'il bourrait de nos affaires de classe. Le matin, quand nous arrivions, chacun de nous prenait sa sacoche qu'il jetait avec désinvolture sur son épaule. Et ça nous donnait vraiment la dégaine du cow-boy qui débarque dans le saloon, avec sa selle sur son dos. D'un coup d'épaule, on jetait notre sacoche sur la table, tout comme la selle sur le comptoir. Et le grand lantier gueulait. Un double scotch, comme d'habitude. Et puis, il y eut cette séance de cinéma. Minuit, à la cinémathèque du Palais de Chaillot. Minuit, c'était tard. Même pour un samedi. Même pour des parents comme les miens. Pourtant, il n'était pas question qu'on rate ce film-là. Une des toutes premières versions cinématographiques des Hauts de Hurlevent. Je ne vous lâcherai pas dans Paris à minuit. Pop paraissait intraitable. Mais Léo de Hurlevent était le roman préféré de Camus. Il l'avait lu dans sa version originale, en anglais, une bonne dizaine de fois. Il en avait même fait une traduction, estimant que toutes celles qui existaient jusqu'à présent ne valaient pas un clou. En fait, il était amoureux de Cathy, l'héroïne. Il se prenait pour Heathcliff, quelque chose comme ça. Amoureux fou, quoi. On s'était farci à peu près tous les films qui avaient tenté de mettre ce chef-d'œuvre à l'écran. Chaque fois, Camus sortait du cinéma bouillant de rage. Non mais, tu as vu ce navet ? Qu'est-ce qu'il a compris au roman, le gars qui a tourné ça ? Tu veux me le dire ? À tous les coups, je me faisais engueuler, comme si j'étais le réalisateur du film en question. Et la fille qui jouait Cathy, tu te rends compte ? Et le type qui jouait Heathcliff, un vrai gommeux avec sa brillantine. On n'a pas le droit de traiter des personnages de cette façon-là. Un personnage de roman, c'est comme une personne, ça se respecte. T'es pas d'accord ? J'avais intérêt à être d'accord. Donc, chaque fois que la Cinémathèque ressortait une ancienne version des Hauts de Hurlevent, nous nous précipitions. Mais cette fois-ci, Pop, mon père, était comme un roc. Alors, Camus négocia avec Moon. Il fila à la cuisine pour lui donner un coup de main, comme d'habitude, et, le soir, au dîner, le nez dans mon potage, j'entendis Moon dire bien distinctement « Allez, Pop !» Je levai brusquement les yeux sur ma mère. Elle avait le sourire des grandes victoires. Pop n'avait jamais pu résister à cette combinaison très spéciale du regard d'automne et du sourire de printemps. Ce soir-là, il ne résista pas davantage. Il se contenta de dire « Je ne peux même pas les accompagner en voiture. J'ai promis au père Pinard de lui réparer sa télé. » Le père Pinard, comme il l'appelait, était un ancien compagnon de travail de Pop, qui habitait à l'autre bout de Paris et qui ne supportait ni la retraite, ni le Pinard, ni les programmes de la télévision. Malheureusement, il n'avait plus que ça dans la vie. Alors, sa retraite le rendait trop triste, il vidait une bonne bouteille et s'installait devant son poste. Le lendemain, il téléphonait à Pop de venir réparer la télé qu'il avait réduite en miettes. « Ça ne fait rien, » dit Moon. « Ils prendront leur vélo, ils seront prudents. » Tu parles ? À cette heure-là de la nuit, personne ou presque dans Paris, pas facile d'être prudent. Nous avions promis, bien sûr, mais dès les premiers coups de pédale, on se serait déjà cru à l'arrivée du Tour de France. Cassé en deux sur mon pur sang, je hurlais à Camus que je l'aurais, que je finirais bien par le rattraper un jour. Jamais ! Gueulait Camus. Personne ne me rattrapera jamais ! Je vais plus vite que les balles allemandes ! Si un flic s'était trouvé sur notre trajectoire cette nuit-là, il nous aurait à peine vu passer. Et c'est bien dommage parce que si on nous avait arrêtés à temps, l'accident n'aurait pas eu lieu. Le plus étrange, quand j'y repense aujourd'hui, c'est que le premier souvenir qui m'en reste est celui d'un immense éclat de rire, mon rire à moi, résonnant dans la rue de Paris. J'avais renoncé à rattraper Camus. Victorieux, il s'était dressé debout sur le cadre de la bicyclette tchécoslovaque. Il avait ouvert les bras et crié à tue-tête. « J'arrive, Cathy ! Attends-moi, ne meurs pas, c'est moi, Camus, j'arrive !» Et moi, qui pédalais derrière en rigolant comme une baleine ? « Je vais te sauver !» hurlait Camus. « Confiance ! Je vais te sauver une fois pour toutes !» Oui, zigzagant, tellement je rigolais !« Je vais pénétrer dans l'écran !» criait Camus. « Je vais t'arracher à la pellicule, Cathy !» Tu ne seras plus jamais obligé de tourner dans ces navets. La rue descendait à pic. Debout sur sa bicyclette, un pied sur la selle, l'autre sur le guidon, Camo fonçait dans la nuit rousse de la ville aussi sûrement qu'un champion de surf sur les rouleaux du Pacifique. « Je connais une île dans les Caraïbes, je t'y emmène, Cathy. Fini le cinoche, fini les brumes de l'Écosse. Vive les lagons cristallins et les cocotiers aux courbes douces. » Parfois, quelqu'un apparaissait à une fenêtre, mais nous étions déjà passés. Camo continuait à hurler. « Nous boirons des punches de coco avec cet abruti qui essaie de me suivre et qui est notre ami. » La voiture était noire. Elle roulait tout feu éteint. Elle roulait vite. Elle roulait sur sa gauche. Et Camo ne tenait pas exactement sa droite. « Je t'aime, Cathy. Attends-moi, mon amour, j'arrive !» Il percuta l'auto noir dans la courbe du virage. Sous le choc, le phare de la bicyclette tchécoslovaque explosa. Camo heurta le toit de la voiture qui poursuivit sa route, broyant sous elle un vélo dont la ferraille hurlait en lâchant des gerbes d'étincelles. Camo ! Il avait été projeté dans l'espace et je l'avais un instant perdu de vue. Puis, il était retombé au milieu de la rue, avait rebondi et roulé sur le trottoir pour enfoncer la porte d'un immeuble dont toutes les lumières me parurent s'allumer d'un coup. L'autre détail qui me revient se confond avec le gyrophare de l'ambulance et celui de la voiture de police. On chargeait Camo évanoui sur une civière, un filet de sang lui coulant de l'oreille. Personne ne s'occupait de moi qui criait. « La voiture ne s'est pas arrêtée. Elle roulait à gauche et elle ne s'est pas arrêtée. » Je criais cela, oui. Et dans le même temps, je sentis quelque chose crisser sous mon pied. Je me baissai. C'était la montre de Camo. Elle était cassée. Elle marquait 11 heures. Ce qui avait frappé Camo à la mort de son père, c'était la blancheur de la clinique. « Jamais je ne mettrai de blanc au mur de ma maison. » Il était intarissable sur le blanc. « D'ailleurs, ce n'est pas une couleur. » Il disait. « Le blanc, plus c'est propre, plus c'est sale. Une ombre sur du blanc, c'est la crasse tombée du ciel. » Il disait encore. « Le blanc, c'est la mort qui se cache. » Et c'est à quoi je pensais en faisant les 100 pas dans le couloir des urgences. On avait enfourné mon Camo directement dans le bloc opératoire. Pop tenait la main de Moon. Tous deux étaient assis sur des sièges de plastique orange. Pop était si pâle que ses moustaches noires semblaient des postiches collées sur son visage. Moon ne pleurait pas. C'était pire. On aurait dit qu'elle ne pourrait plus jamais pleurer de sa vie. Moi, je marchais de long en large, dans l'orange et dans le vert des murs. Et je me disais... Il ne mourra pas. On a mis du verre au mur, il ne mourra pas. La mort, c'est le blanc sur les murs. Pourtant, des heures plus tard... Il y avait toujours le vert et l'orange des murs, mais déjà le mauve de l'aube sur la frise des toits. Quand je vis le chirurgien sortir du bloc opératoire, quand je le vis s'approcher de Pop et Moon, quand je vis cette blouse blanche, ce bonnet blanc, cette moustache et ses cheveux blancs, quand je vis tout ce blanc se pencher sur Pop et Moon qui se dressèrent comme des ressorts... Ce qui fit que l'homme en blanc dut se redresser, lui aussi, comme s'il avait raté sa révérence. Quand je vis cet homme si fatigué, ses lèvres blêmes d'épuisement prononçaient les mots « courage »,« très peu d'espoir », »,« double fracture du crâne », »,« gros hématome céphalorachidien », »,« enfant robuste, mais... » Quand je vis le bras de Pop se raidir autour du corps de Moon qui s'affaissait, je sus que mon Camo était foutu. Que la bicyclette tchécoslovaque l'avait tué, que je venais de perdre mon meilleur ami, mon seul ami. Les choses n'arrivent jamais sans qu'on se demande pourquoi. Les événements hurlent, ils exigent une explication, ils veulent un coupable. Au Moyen-Âge, disait Camus, une catastrophe s'abattait sur un village, crac, on brûlait une sorcière. Oui, les événements réclament vengeance, une vengeance aveugle. L'économie allemande bat de l'aile, disait Camus, et le dingue à moustache gammée décide de tuer tous les juifs. On ne pouvait plus arrêter Camus quand il était lancé sur ce chapitre. Ce n'est pas d'explication que l'homme a besoin, c'est de coupable. Même ici, parmi nous, dans cette classe, quand quelque chose cloche, n'importe quoi, on ne cherche pas d'explication. C'est toujours le grand lentier qui prend. Je repensais à cela, à ces raisonnements que Camus développait en cours d'histoire et qui, à la fois, nous amusaient et nous faisaient réfléchir. Je repensais à cela en entendant Pop, Pop mon père, ce pauvre géant répéter sans cesse. C'est ma faute, j'aurais dû t'écouter, Moon, laisser les bicyclettes où elles étaient. » Mais Moon assise toute droite sur la chaise qu'elle ne quittait presque jamais. « Non, c'est moi, c'était une folie de les laisser sortir en pleine nuit dans Paris. » Et moi, seule dans ma chambre, la montre cassée de Camus sur ma table de nuit, je savais bien que c'était moi le responsable. Au lieu de me moquer de Camus, j'aurais dû prendre ses pressentiments au sérieux. Je le revoyais cette nuit d'orage, agenouillé devant la bicyclette tchécoslovaque, le visage trempé de pluie, mais ça devait être des larmes. Et je l'entendais encore me dire « Non, une peur sacrée. » Enfin, voilà pour l'atmosphère qui régnait à la maison. La recherche du responsable, la grande traque aveugle du coupable. Sauf qu'ici, chacun s'accusait soi-même. Et c'était peut-être plus terrible encore, parce que, contre ces accusations-là, on ne peut absolument pas se défendre, ni se laisser consoler. « Mais non, c'est moi !» disait Pop. « Tais-toi, tu sais bien que c'est moi !» murmurait Moon. « Et moi dans mon lit ?»« C'est ma faute. J'aurais dû croire à ce pressentiment. » Heureusement, la vie se défend contre le désespoir. Elle trouve des trucs tellement inattendus qu'on en reste sidéré. J'étais donc allongée là, sur mon lit, que je n'avais pas même défait, les yeux grands ouverts, lorsque tout à coup, une autre phrase de Camus me revint. Une phrase de ses dernières vacances. « Tu sais, le grand lancier ?»« Oui ?»« Eh bien, je crois qu'il est moins con qu'il en a l'air. » Ce fut comme une fusée d'artifice s'épanouissant dans tout ce noir. Je sautai hors de mon lit et me ruai sur le téléphone. La sonnerie retentit longtemps. L'horloge de l'entrée comptait les secondes pour moi. Finalement, la voix du grand lantier me parvint de très loin. « Quel est le connard qui se permet de réveiller une famille nombreuse à 4h du mat ?»« C'est moi. » Il reconnut aussitôt ma voix et se radoucit un peu. « Ah, c'est toi ! Qu'est-ce qui se passe ?»« Lantier. » À ma grande surprise, je ne pus rien dire de plus. Il me semblait que si je racontais l'accident de Camus, si je parlais de son état, j'allais le tuer pour de bon. Et ce fut Lantier qui demanda. Il est arrivé quelque chose à Camus ? Alors seulement, je racontais. Lantier ne m'interrompit pas une seule fois. Il écoutait. Quand j'eus achevé mon récit, il dit « T'inquiète pas !» J'attendais la suite. Je m'attendais à ce qu'il me raconte des âneries du genre « Allez, il est solide, va ! Notre Camus est immortel !» Des trucs comme ça. Pas du tout. Il dit autre chose. « Camus ne mourra pas !» Puis il ajouta « Ça dépend de nous. » Moi, accroché à mon téléphone, j'attendais. « J'ai un cousin, » dit enfin le grand lantier. « Il s'est cassé la gueule du 6e étage. Il est passé à travers une verrière et il s'est aplati sur le ciment d'un garage. » Je sentais la fureur m'envahir. « Tu as remarqué ?» avait dit Camus. « Le grand lantier a toujours un cousin ou un copain de cousin à lui à qui il est arrivé un truc extraordinaire. »« Eh ben, on l'a sauvé, » dit lantier. « On l'a sauvé comme on va sauver Camus, de la même façon. » « C'est-à-dire ?» Il y avait de l'ironie dans ma voix. « En pensant à lui, » répondit Lantier sans s'émouvoir. « Pardon ?» Et le plus calmement du monde, « En pensant à lui. Il suffit de penser à lui nuit et jour pour qu'il s'en sorte. Ne jamais l'oublier. Penser à lui sans une seconde d'interruption. Si on y arrive, si on ne flanche pas, s'il n'y a pas de trou dans notre pensée, Camus s'en tirera, c'est gagné d'avance. Il disait cela avec la tranquillité d'un médecin, certain de donner la bonne ordonnance. Et je sentis aussitôt la confiance tomber sur moi, comme un manteau de sommeil. « Tu es crevé, » dit Lantier à l'autre bout du fil. « Tu as pensé à Camo jusqu'à présent ? Va dormir, je prends le relais. Je te réveillerai quand ce sera ton tour de monter sur le pont. » Je m'endormis en raccrochant. Fin du deuxième épisode de L'évasion de Camo, une histoire de Daniel Pénac publiée chez Folio Junior. Dis donc, cette fois, on nage en plein drame. Allez, il est solide, va, notre Camo est immortel. Et puis, rappelle-toi, le grand Lantier, il est moins con qu'il en a l'air. Tu as raison. Plus qu'une chose à faire, pensez à Camo. Sans une seconde d'interruption. Si on y arrive. Si on ne flanche pas. S'il n'y a pas de trou dans notre pensée. Camo s'en tirera. C'est gagné d'avance.